C'est souvent plus triste qu'on ne le croit. Un cœur, c'est souvent plus gentil qu'un soldat. Les cheveux gominés, le sourire effacé. Un cœur, c'est pas plus dangereux qu'un enfant. Dans son cœur, il y a moins de haine que de peur. Dans son cœur, il y a du chagrin, j'en ai peur. On se méfie de lui, mais pourtant dans la vie, un cœur, quand ça va pas, simplement il pleure. Et quand vient la nuit, tout seul, il s'enfuit dans des rêves dorés d'argent. L'amour et la gloire sont tous ses espoirs. Un jour, ce qui compte pour lui, c'est sa maman. Et un jour, il va couvrir un carré d'argent. Comme dans ses rêves fous, quand il se fout de tout. Un cœur, croyez-moi, ce n'est pas un méchant. Un cœur, un cœur.